Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107 FM. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 5 juillet et alors aujourd'hui c'est jour de vacances scolaires, bande de petits vénards. Et c'est aussi également le jour des résultats du bac. Et le bac cette année a vraiment fait parler de lui. Et en tout cas voilà, un bon courage, je croise les doigts pour vous tous bacheliers. Dites-nous tiens sur Facebook hein, si vous avez eu votre bac ou non. Allez, nous sommes comme je vous l'ai dit le 5 juillet, on souhaite une bonne fête au Antoine. Ça vient du latin inestimable et du grec fleur. Équilibre et harmonie se dégagent de leur personne qui possède au demeurant un certain charme. Soucieux de leur apparence, les Antoines cherchent à plaire et sont prêts pour cela à déployer conciliation, intuition, adaptation, charme, séduction et savoir-faire. Ils savent se montrer intelligents, enthousiastes et communicatifs. Ils manient avec aisance, une dialectique souple, possède de la vivacité d'esprit, de l'astuce teintée d'une pointe d'humour. Fiers, nerveux, il leur arrive fréquemment d'être satisfaits d'eux-mêmes. L'orgueil est souvent leur principal travers, avec la susceptibilité et les petites crises de colère qui en découlent. La curiosité est chez eux une arme à double tranchant, car si elle leur confère un côté éclectique et brillant, elle les pousse à une certaine instabilité. Ils sont souvent esthètes, raffinés et peuvent manifester un sens artistique certain, à moins qu'ils ne vivent leur cisse karmique dans un besoin de confort ou de sécurité familiale. Dicton du jour, avril, quelques nids, mais ils sont tous faits. Juin, ils sont bien communs. Juillet, ils sont tous cueillis. Célébration internationale. Aujourd'hui en Algérie, c'est la fête de l'indépendance. En Arménie, c'est la fête de la Constitution. Au Cap-Vert, c'est la fête nationale. Tout comme à l'île de Man. Et au Venezuela, c'est la fête de l'indépendance. Dans les événements qui se sont déroulés, un 5 juillet, 1811, déclaration d'indépendance du Venezuela. 1975, indépendance du Cap-Vert. Allez, tout de suite, première pause musicale avec Huey Lewis et The Power of Love. Make another man sing. Yeah. Huey Lewis avec The Power of Love. Vous aurez bien évidemment reconnu la bande originale du film Retour vers le futur. Allez, il est un peu plus de 8h36. On parle maintenant anniversaire avec ceux qui sont nés un 5 juillet 1936. Naissance de Shirley Knight, actrice américaine vue dans la saison 4 de la série Desperate Housewives dans le rôle de Phyllis Vanderkamp. 1944, naissance de Geneviève Grade, actrice française vue dans Arsène Lupin contre Arsène Lupin. Est connue pour avoir joué dans Le Gendarme de Saint-Tropez, Le Gendarme à New York et Le Gendarme se marie. 1950, naissance d'Huey Lewis, musicien chanteur américain. 1958, naissance de Dominique Nicolas, musicien français, guitariste du groupe Indochine entre 1981 et 1994, notamment sur le titre Canary Bay, dont on écoute tout de suite un petit extrait. Pour l'extrait de Canary Bay. On continue les anniversaires. 1962, naissance de Philippe Vandel, chroniqueur français. 1963, naissance d'Eddie Falco, actrice américaine, connue pour son rôle de Carmela Soprano dans la série Les Sopranos et son rôle de Jackie Payton dans la série Nurse Jackie. 1966, naissance de Laurence Ferrari, journaliste française. 1969, naissance de Marc-Olivier Fogiel, journaliste français. 1972, naissance de Gilles Lelouch, acteur français, vu dans Jeu d'enfant dans le rôle de Sergei Nimov-Nimovitch, Narco, Ne le dit à personne dans le rôle de Bruno, L'instant de mort dans le rôle de Paul, Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, Les petits mouchoirs dans le rôle d'Eric, rôle qu'il a d'ailleurs repris dans la suite sortie cette année, Nous finirons ensemble, vu également dans Les infidèles, Rock'n'Roll, Pupi, sorti l'année dernière dans le rôle de Jean, ou encore Jusqu'ici, Tout va bien, sorti l'année dernière également, il me semble, dans le rôle de Fred Bartel, réalisateur de Narco, Les infidèles, ou encore Le Grand Bain. 1979, naissance d'Amélie Mauresmo, ancienne joueuse de tennis française, ayant fait carrière de 1993 à 2009, qui était numéro 1 mondial en simple en 2004, qui a gagné une fois l'Open d'Australie, une fois Wimbledon, demi-finaliste à l'US Open et quart de finaliste à Roland-Garros. En double, elle a été une fois finaliste à Wimbledon, quart de finaliste à l'Open d'Australie, huitième de finaliste à l'US Open et 16e de finaliste à Roland-Garros. Aux Jeux Olympiques en simple, elle a remporté une médaille d'argent. Elle a remporté également une Fed Cup, c'était en 2003. Elle a été capitaine de l'équipe de France de Fed Cup entre 2012 et 2016, a entraîné Andy Murray entre juin 2014 et mai 2016 et depuis fin 2018, elle entraîne Lucas Pouille. 1980, naissance de Laetitia Milo, actrice française connue pour son rôle de Mélanie Rinato dans la série télé Plus belle la vie, aperçue dans Nos chers voisins, Camping Paradis, vue dans le téléfilm On se retrouvera, la série La vengeance au lieu aux yeux clairs, pardon, dans le rôle d'Olivia Alessandri, et rôle qu'elle reprendra d'ailleurs dans la série intitulée Olivia prochainement. Elle a d'ailleurs partagé quelques moments sur ses réseaux sociaux, notamment Instagram. Vue également dans le téléfilm Quand je serai grande, je te tuerai, coup de foudre à Bora Bora ou encore Un bébé pour Noël. Et actuellement, elle est en tournage pour une série qui, a priori, va s'appeler Réunion. Et à noter qu'elle a participé à la 4e saison de Danse avec les Stars où elle a fini 3e. C'est également l'année de naissance de Jason Wade, chanteur américain du groupe Lifehouse. 1981, naissance de Ryan Hansen, acteur américain connu pour son rôle de Dick Casablancas dans la série Veronica Mars, rôle qu'il a d'ailleurs repris dans le film qui est sorti quelques années après, vu dans la série Phenomène Raven, Gossip Girl, Two Broke Girls dans le rôle d'Andy Candy ou encore dans le film G.I. Joe Conspiration. 1984, naissance de Danae Garcia, actrice cubaine connue pour son rôle de Sofia Lugo dans la série Prison Break. Elle incarne Luciana Galvez depuis 2016 dans Fear the Walking Dead et vue également dans Les Experts, Manhattan, Supernatural ou encore Hawaii 5-0. 1985, naissance de François Arnaud, acteur canadien, vu dans la série The Borgias dans le rôle de Cesare Borgia ou encore Blindspot dans le rôle d'Oscar. 1986, naissance de Samuel Orubia, handballeur français, qui de 2004 à 2012 a joué à Montpellier, de 2012 à 2016 au Paris Saint-Germain Handball et depuis 2016 il joue à Tremblay. Il est l'un des plus beaux palmarès national avec pas moins de 10 championnats de France, 8 coupes de France et 7 coupes de la Ligue remportées. Et en équipe de France, il est champion olympique au JO de 2012, il est champion du monde en 2011 et 2015 et champion d'Europe en 2014. C'est également l'année de naissance de Laura Lone, humoriste comédienne belge connue en France pour avoir remporté la 12e saison de l'émission La France a un incroyable talent, c'était en 2017. Et c'est également l'année de naissance d'Adam Young, chanteur américain du groupe Owl City qu'on écoutera en fin d'émission, mais tout de suite on s'écoute Life avec le titre You and Me. What day is it? And in what month? This clock never seems so alive. I can't keep up and I can't back down. I've been losing so much time. 'Cause there's you and me and all other people. Nothing to do, nothing to lose. And it's you and me and all other people. And I don't know why I can't keep my eyes off of you. One of the things that I wanna say just aren't coming out right. I'm tripping on words, you got my head spinning. I don't know where to go from here. 'Cause it's you and me and all other people. Nothing to do, nothing to prove. And that's you and me and all other people. And I don't know why I can't keep my eyes off of you. There's something about you now that I can't quite figure out. Is beautiful. Everything she does is right. 'Cause it's you and me and all other people. Nothing to do, nothing to lose. And it's you and me and all other people. And I don't know why I can't keep my eyes off of you and me and all other people. Nothing to do, nothing to prove. And it's you and me and all other people. And I don't know why I can't keep my eyes off of you. And in what clock never seems so alive. You and Me, le groupe Lifehouse sur le 107FM. Un peu plus de 8h46 et on fait tout de suite un point sur la météo. La météo. Aujourd'hui sera encore une très belle journée ensoleillée. Des températures comprises entre 16 et 17 degrés ce matin, entre 28 et jusqu'à 30 degrés prévus pour cet après-midi. Pour samedi, ce sera principalement une journée ensoleillée, même si on pourrait avoir quelques averses de pluie samedi matin et samedi en soirée. Et franchement, on dit oui pour notamment les poils de chenille processionnaires qui nous pourrit la vie depuis quelques jours, quelques semaines. Maintenant, il faut de la pluie. Et dimanche, ce sera des pluies orageuses. Alors, espérons pas trop orageuses quand même. Des températures. Je vous ai dit les températures pour samedi. Je ne sais plus. Je ne crois pas. Entre 13 et 14 degrés samedi matin et entre 29 et 30 pour samedi après-midi. Dimanche, je disais donc de la pluie. Des températures comprises entre 18 et 19 degrés le matin et entre 21 et 22 degrés prévues pour dimanche après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Honneur aux dames, et on commence avec du basket féminin et l'Euro. Et hier soir, nos Françaises se sont qualifiées pour les demi-finales en battant la Belgique 84 à 80 après prolongation. Et cette qualification pour les demi-finales est synonyme également de qualification pour le tournoi de qualification olympique. La demi-finale aura lieu samedi à 18h. Ce sera contre la Grande-Bretagne et on pourra la suivre à la télé. Et oui, elle sera diffusé sur W9. Alors bon, normalement on fait pas de pub, mais pour une fois qu'on peut suivre un petit peu de sport à la télé, eh bien on va le dire. Un petit mot de football féminin avec la finale dimanche qui va opposer les États-Unis aux Pays-Bas, rendez-vous à 17h. Et on va parler du transfert de Gianluigi Buffon qui est de retour à la Juventus de Turin. Le Tour de France débute samedi avec l'étape entre Bruxelles et Bruxelles, 194,5 km, c'est du plat. Et dimanche, ce sera un contre-la-montre par équipe, 27,6 km entre Bruxelles Palais-Royal et Bruxelles Atomium. On termine avec du tennis, c'est le tournoi de Wimbledon et côté féminin, il n'y a déjà plus de Françaises à Wimbledon après hier l'élimination tout d'abord de Kristina Mladenovic qui s'est inclinée en 2-7 face à la tête de série numéro 6, Kvitova 7-5, 6-2 et l'élimination de Parmentier en 2-7 face à Suarez Navarro, 7-6, 7-6. Konta s'est qualifiée en 2-7 face à Siniakova, 6-3, 6-4. Serena Williams a lâché un 7 mais elle s'est qualifiée en 3-7 face à Rouvan, 2-6, 6-2, 6-4. Barty s'est qualifiée en 2-7 face à Van Jutvank, 6-1, 6-3. Stevens s'est qualifié en 2-7 face à Wang, 6-0, 6-2. Pardon. Bertens s'est qualifié en 3-7. Bencic s'est qualifié en 2-7 et a noté l'élimination d'Angélique Kerber, tête de série numéro 5, qui s'est inclinée face à la 95e joueuse mondiale Davis en 3-7, 2-6, 6-2, 6-1. Aujourd'hui, Alep affrontera Azarenka, Pliskova se repose à Sier, Wozniacki à Zhang et Svitolina affrontera Zakari. Côté messieurs, à noter hier l'élimination de Gilles Simon en 5-7 face à Sangren, 6-2, 6-3, 4-6, 3-6, 8-6. Joe Wilfried Tsonga s'est qualifié en 3-7 face à Berankis, 7-6, 6-3, 6-3. Lucas Pouille s'est qualifié en 3-7 face à son compatriote et ami Grégoire Barrère, 6-1, 7-6, 6-4. A noter que Lucas Pouille affrontera au prochain tour Roger Federer qui s'est qualifié en 3-7 face à Clark, 6-1, 7-6, 6-2. Tsonga lui affrontera au prochain tour Rafael Nadal qui s'est imposé en 4-7 face à Nick Kyrgios, 6-3, 3-6, 7-6, 7-6. Nishikori s'est qualifié en 3-7 face à Nori, 6-4, 6-4, 6-0. A noter que Basile Gili, tête de série numéro 18, s'est incliné en 3-7 face à Evans, 6-3, 6-2, 7-6. A noter l'élimination également de Isner en 5-7 face à Kukushkin, 6-4, 6-7, 4-6, 6-1-6-4. Fonini s'est qualifié en 5-7 face à Fuksovics. 6-7-6-4-7-6-2-6-6-3. Et Marin Cilic s'est incliné en 3-7 face à Souza. 6-4-6-4-6-4. Au programme d'aujourd'hui, Humbert aura un gros match face à Auger Aliassime. Benoît Paire sera opposé à Vezeli. Il y aura également Anderson face à Peya. Djokovic affrontera Urkaz. Kachanov sera opposé à Bautista Agut. Medvedev affrontera Goffin. Et Raonic affrontera Opelka. Et à noter qu'en double, messieurs, hier, Pierre-Hugues Herbert et Andy Murray se sont qualifiés pour le second tour. Aujourd'hui, c'est à Nicolas Mahut et à Édouard Roger Vasselin disputer leur premier tour. Hein. Allez les Bleus, on va donc tout de suite marquer la dernière pause musicale puisque j'ai fini l'actu sportive. On s'écoute All City avec le titre Fireflies. Bursting at the seams. All City avec le titre Fireflies sur RGM, un peu plus de 8h55. C'est déjà l'heure de se dire au revoir, mais avant de se quitter, on fait un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, ce sera Ours et Carotte. À midi, la bulle de l'IA consacrée au Nancyphonie. 13h30, la rediffusion de la chronique de Mathilde. 14h, rediffusion de J'aime et je vous le lis avec Dominique. 15h, Jazz Time de Radio Déclic. 19h, la maison de la Bresse. 20h, Mosaïque avec François. Minuit, la rediffusion de la bulle de l'IA. Et nous, on se retrouve eh bien, lundi matin, même heure, même endroit. Je vous souhaite une bonne journée et un excellent week-end. Profitez bien. Ciao, bye bye.